Vous écoutez la radio Isanganiro émettant depuis Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal, la grande édition de cette mi-journée. Nous sommes vendredi 26 juin 2020. D'abord l'essentiel. Inauguration ce vendredi du feu, président Pierre Nkurunziza, les cérémonies qui se déroulent pour le moment à Gitega, la capitale politique du Burundi. Dans cette édition, l'on revient également sur le parcours du feu président Pierre Nkurunziza et ça sera un rappel. Dans l'actualité également, le 26 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants. Une lutte à laquelle les parents, l'administration et la police sont invités pour contribution. Et les habitants de la capitale économique Bujumbura exerçant des activités nécessitant le courant électrique se lamentent comme quoi des fois leurs activités sont perturbées par la coupure intempestible. Mais la régie des eaux tranquillise, vous entendrez dans ce journal, Simeo Habonimana, directeur général de cette entreprise para-étatique. Eric Ouimana assure la mise en eau de cette édition. Vous retrouvez Aimé Richard à la présentation. Rebonjour et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Certains habitants de la capitale politique Gitega, garde du feu président Pierre Nkurunziza, un homme animé d'esprit patriotique et qui inspire même les autres mais aussi un homme qui se bat toujours pour l'indépendance du pays et qui ne cédait pas facilement aux oppressions. Ils l'ont dit ce vendredi dans la capitale politique Gitega, dans les cérémonies funéraires du feu président Pierre Nkurunziza, suivez-les. Ce que je garde de lui, c'est son amour pour la patrie. Il a su transmettre ça à la jeune génération. Il nous a appris à travailler pour notre propre développement, mais aussi pour le développement de notre pays. Il nous a appris à nous aimer entre nous et aussi à défendre les couleurs de la nation à l'étranger. Il me mettait au monde gratuitement, alors qu'avant, il était emprisonné dans des hôpitaux. Deuxièmement, il était le réconciliateur de tous les Burundais. Troisième moment, même devant le bon Dieu. Le grand souvenir, c'est d'avoir en fait essayé de réconcilier les Burundais pour éviter les chicanes interethniques, même si en 2015, il y a eu une sorte de résurgence de cette question ethnique, mais quand même, il y a eu un pas important dans la sous-région, surtout au Burundi. Il a lutté contre la haine ethnique qui se trouvait entre les Burundais. Les Burundais s'aiment aujourd'hui, mais aussi il aimait prier. Il a enseigné tous les Burundais de voir directement quand vous voulez quelque chose, qu'il ne faut pas penser aux hommes, mais plutôt à Dieu. Et voilà, nous sommes développés, nous sommes ici sur le stade Ngoma, qui a été construit et amélioré par les Burundais, et même sans toutefois attendre les aides extérieures. Mais il est le premier président au Burundi qui a pu chaque fois prononcer le nom de Rwagasore dans ses discours de tous les jours. Il était alors le partisan des idéologies de Rwagasore qui aimait le développement local, la population, mais aussi les coopératives. Premièrement, il était réconciliateur. Il a pu concilier le peuple burundais. Deuxièmement, il aimait Dieu dans toutes choses qu'il faisait. Troisième chose, son esprit patriotique lui permettait de représenter les intérêts de la nation et du peuple. Oh, ce fut un président, un père de la nation et un président formidable qui a su rester auprès de son peuple, un président proche de la population. On se souviendra toujours de sa façon d'être avec les petites gens. On se souviendra de lui comme étant un président qui a un jour été, enfin, après le coup d'état du 13 mai 2015, et qui a été renversé à l'étranger, comme on a toujours entendu. Mais lui, il a tout fait pour revenir dans le pays, pour ne pas se laisser faire. Enfin, il ne s'est pas laissé faire. C'était là des habitants de la capitale politique Gitega au micro de notre confrère Arthur Kavaouchi. Mais avant que le corps n'arrive à la capitale politique Gitega, la famille du feu président Pierre Nkurunziza, ancien président de la République du Burundi et d'autres hautes autorités du pays ont procédé à leurs derniers hommages aux défunts à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi le matin de ce vendredi après le requiem. Le cortège funéraire a pris la route maintenant vers Gitega, le lieu des cérémonies d'inhumation. N'est-ce pas, Blaise Pascal Kalaloumi? La famille de feu Pierre Nkurunziza, ancien président de la République du Burundi, qui vient de décéder, l'actuel président de la République, le premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et le Sénat, l'ombudsman burundais et d'autres hautes autorités du gouvernement ont rendu hommage à l'illustre disparu, son excellence feu Pierre Nkurunziza. Cela s'est passé ce matin, ce vendredi, à l'hôpital du cinquantenaire du chef-lieu de la province Karusi, où Pierre Nkurunziza a rendu l'âme le 8 juin, comme l'indiquait le communiqué du gouvernement. Après une heure de cette activité de requiem, le cercueil a été conduit dans la voiture destinée à cette fin et le cortège funèbre s'est dirigé vers le bureau provincial de Karusi pour ensuite se diriger vers le chef-lieu de la province Gitega où se trouvaient organisées les cérémonies d'inhumation de l'ancien président de la République, Pierre Nkurunziza. Depuis l'hôpital du cinquantenaire de Karusi et la route menant vers la province Gitega, la population s'alignait sur les deux bords de la route. Certains habitants avec des fleurs dans la main et tous rendaient hommage à l'illustre disparu. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Je vous l'avais annoncé dans les titres, la rédaction Isanganiro a préféré revenir sur le parcours du feu président Pierre Nkurunziza et c'est avec notre confrère Léonce Vitali. Originaire de la province de Ngozi, au nord du Burundi, le président Pierre Nkurunziza est né le 18 décembre 1964 et a pris pour épouse Madame Denise Wuchumi en 1994. 1994, justement, Pierre Nkurunziza était professeur assistant à l'Université du Burundi quand le pays faisait face à une guerre civile suite à l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye. Après avoir échappé de justesse à un assassinat par des bandes armées, Pierre Nkurunziza prit le chemin du maquis pour rejoindre les combattants de la rébellion du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, CNDD-FDD en sigle, et ne tardera pas à être promu aux plus hautes responsabilités au sein de son mouvement, jusqu'à en devenir le leader charismatique surnommé Muhuza, ou médiateur en français, pour son attachement à la cohésion sociale et à la résolution pacifique des conflits. C'est ainsi qu'il conduisit sa délégation aux négociations de paix en Afrique du Sud et en Tanzanie avec le gouvernement de transition du Burundi, un processus qui aboutira à la signature d'un accord global de cessez-le-feu et à un accord de partage de pouvoir en 2003 au Burundi, mettant ainsi fin à une décennie de guerre civile très sanglante. Rentré du maquis avec des milliers d'ex-rebelles qui furent intégrés dans les corps de défense et de sécurité nouvellement créés au Burundi, Pierre Nkurunziza devint ministre d'État chargé de la bonne gouvernance et fut présenté par le CNDD-FDD, devenu alors parti politique agréé, comme candidat à la présidentielle de 2005. Il fut élu par un collège électoral de parlementaires, président de la République du Burundi. La politique du nouveau chef d'État est axée sur la reconstruction, la réconciliation, la relance économique et la stabilité politique. Il a été réélu à la tête du pays, cette fois au suffrage universel direct, d'abord aux élections de 2010 et à celles de 2015. Pierre Nkurunziza a initié les travaux communautaires, exécutés tous les samedis et a instauré la gratuité de la scolarisation primaire, des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et l'accouchement pour les femmes enceintes. Sous la présidence de Pierre Nkurunziza, le Burundi est devenu un acteur très important au niveau international dans les mécanismes de maintien ou d'imposition de la paix, comme en Somalie, en République centrafricaine, au Soudan, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Même si les élections de 2010 et celles de 2015 au Burundi ont vu renaître des mouvements de contestation électorale, comme en 1993, le président Pierre Nkurunziza a pris les devants, sillonnant tout le pays dans une campagne de sensibilisation et a pu rétablir la paix et la stabilité politique. Pierre Nkurunziza avait fait du sport un instrument de réconciliation et son engagement pour la paix et la cohésion sociale lui a déjà valu des distinctions honorifiques sur les quatre coins de la planète. Le président Nkurunziza vient de rendre l'âme des suites suite d'un arrêt cardiaque selon un communiqué du gouvernement. Il avait 55 ans. Merci Léonce. Et c'était un rappel, comme je vous l'avais annoncé, à 13h07 sur 800 à Nilo. Une courte pause avant la page énergie. Vous n'avez pas 800 à Nilo ? Vous ratez l'essentiel. Certains habitants qui exercent leur métier au quotidien, les métiers qui nécessitent du courant électrique au centre-ville de Bujumbura, se lamentent que leurs activités sont parfois paralysées par la coupure répétitive du courant électrique. Le directeur général de la régie des eaux tranquillise que bientôt cette question sera résolue. Simeon Aoniman ajoute en outre que d'autres quartiers ayant des installations similaires à celles du centre-ville sont réinstallés en réseau aérien. Suivez le directeur général de la régie des eaux. C'est une question qui est connue. Le réseau du centre-ville de Bujumbura est très vétuste. C'est pour cela que nous avons entrepris des études pour faire la réhabilitation complète du réseau du centre-ville. L'étude est presque finie. Nous avons eu d'ailleurs un appui financier de la Banque mondiale à ce sujet. Mais en attendant que le projet soit mis en œuvre, comme effectivement ces clients sont des clients qui exercent des activités commerciales, nous procédons à des réparations, à des remplacements, des câbles. Là où il s'avère que ces câbles sont vêtus. Les travaux sont en cours progressivement avec des difficultés d'approvisionnement, mais les câbles sont en cours de commande. Et nous essayons de trouver sur place des câbles en attendant pour parler au plus pressé. L'intervention que nous venons de faire à l'avenue de la Mission était longtemps dépourvue d'électricité. L'avenue de la Mission, ça a été pareil. Je pense que les clients sont témoins. L'avenue de l'enseignement, bien d'autres rues. Nous avons tout le répertoire. Nous avons listé toutes les rues où ce genre de problème se pose et nous sommes en train d'intervenir progressivement. Des quartiers comme Kinindo ou Ngagara, nous comptons faire un réseau aérien qui coûte moins cher par rapport au réseau souterrain parce que les câbles souterrains coûtent énormément cher. Donc c'est une question qui nous tient à cœur. Je peux vous assurer que nous faisons tout pour que ces clients soient rétablis en termes d'alimentation en électricité. Ce responsable rappelle également aux employés de cette entreprise qui passent outre la loi que des sanctions sont prévues. Simeon Abounimana appelle à ses clients de dénoncer des cas de méconduite de ses employés. Suivez ce responsable. Il a été joint au téléphone par Ezekiel Ndikumenay. Nous faisons de la sensibilisation permanente pour inviter le personnel à servir leurs clients convenablement parce que nous sommes là parce qu'il y a les clients. Sinon, quand il y a dérapage ou délit, nous appliquons des sanctions. Nous invitons d'ailleurs les clients pour qu'ils nous communiquent les forfaits qui sont commis par certains de nos agents qui se conduisent mal. Nous incitons aussi pour que certains clients aussi donnent des pots de vin aux employés. Ça, c'est un comportement découragé. Nous invitons les clients plutôt à dénoncer l'un ou l'autre agent qui dérape. Nous sommes là à la disposition des clients. En tout cas, au niveau de la direction, nous décourageons ce genre de comportement. Et nous invitons la clientèle à collaboration et à un appel pour que nos agents qui se méconduisent. On l'entend encore une fois qu'ils changent de comportement parce que des sanctions sont appliquées. Il y a des licenciements, il y a toutes les sanctions prévues par la loi. Et chaque fois, nous n'hésitons pas à les prendre en cas de forfait où le délit est constaté. Simeon Aonimana, il est directeur général de la régie des eaux au Burundi. Et on continue notre journal avec cette page société. Les parents, les administratifs et la police sont appelés à aider dans la lutte contre le trafic et la consommation des drogues dans la jeunesse. L'association burundaise pour un monde de paix sans drogue, œuvrant dans la lutte contre les drogues, fait savoir que sur 10 jeunes approchés, 4 ont avoué la prise des stupéfiants. Valentin Avialimana, représentant de l'association, se dit satisfait du pas déjà franchi dans la sensibilisation, même s'il reste encore à faire. Il a dit en cette date du 26 juin, la date à laquelle le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le trafic et la consommation des drogues. On l'écoute. À l'occasion de cette journée, la BMPD, qui œuvre dans la lutte contre le trafic de drogue, interpelle les trafiquants de drogue à investir dans d'autres activités rentables. Nous interpellons aussi les consommateurs de drogue injectables et les usagers de drogue de faire une consommation responsable en réduisant les risques liés à l'usage de drogue injectable. Ici, on peut dire les chaînes de seringues. Les drogues consommées au Burundi sont d'origine différente. C'est pourquoi la lutte contre ce fléau nécessite le concours de tout le monde, en commençant par la police anti-drogue, les administratifs à la base, les associations qui œuvrent aussi dans la lutte contre la consommation de drogue et les parents aussi. Nous remercions aussi la police qui fait son possible pour éradiquer ce trafic. Mais ici, nous pouvons dire aussi qu'il y a un chemin à parcourir en ce qui est de la vente de drogue. Nous avons vu que la vente de drogue est une criminalité à haut niveau car elle met en danger la vie de l'homme. Si tous les jeunes nous interpellons, la police est à redoubler de la vigilance afin d'éradiquer le trafic des drogues. Économie à présent, plus de 1400 ménages et battoirs bénéficiaires du projet d'appui aux vulnérables Merangabandi répondent présents dans les réunions relatives aux activités complémentaires de ce projet. Dans une conférence de presse ce jeudi à Gitega, Michel Nyabenda, coordonnateur de ce projet opérant dans quatre provinces du pays, a indiqué que plus de 6000 ménages ont été ajoutés aux ménages habituellement assistés par transfert monétaire. Ce chiffre additionnel fera également objet d'assistance, même si le projet tend vers la fin, n'est-ce pas Mireille Kanyang? Reposant sur deux piliers, à savoir le transfert monétaire et les mesures d'accompagnement, ce projet d'appui aux ménages vulnérables dans 16 communes situées dans 4 provinces du pays a commencé à appuyer plus de 48 000 ménages. Plus tard, plus de 6 000 autres ont été ajoutés. Le coordonnateur du projet Merangabandi, financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars américains, précise que les 6 000 ajoutés bénéficient déjà de ces transferts monétaires ainsi que des activités complémentaires. Michel Nyabenda rassure et annonce pour bientôt la fin des transferts monétaires. Il doit être terminé en juin 2022, mais certaines activités vont prendre fin déjà à partir de l'année prochaine. C'est les transferts monétaires qui vont être arrêtés en avril 2021. Donc nous acheminons bel et bien vers la fin et nous nous y préparons sérieusement. Et les bénéficiaires surtout sont préparés. La mise en œuvre de ce projet lancé en province Ruyigi au mois d'août 2018 par le président burundais Pierre Nkurunziza figure parmi les 16 meilleurs projets en Afrique financés par la Banque mondiale. Mireille Kanyang et à moi alors, les membres des coopératives dites Sangwe installées sur différentes collines de cette province disent qu'ils y tirent profit. À titre illustratif, la coopérative Sangwe basée sur la colline Wisha en commune Lusaka permet à ses membres de connaître les bonnes pratiques culturelles suite à l'encadrement reçu. Le responsable de cette coopérative dit néanmoins que des fois les aléas climatiques peuvent perturber la récolte. De Mwaro, nous appelons notre correspondant Laurent Dekourio. Ces coopératives dites Sangwe qui se trouvent sur différentes collines de la province Mwaro sont au nombre de 131 et investissent surtout dans le domaine agro-pastoral. Selon Philippe Minani, responsable de la coopérative Sangwe située sur la colline Bisha en commune Lusaka de la province Mwaro, la cohabitation entre les membres s'améliore car après les travaux, ils échangent sur la vie de chacun. Il précise que ces coopératives sont encadrées par des agronomes collinaires et communaux, ce qui permet aux membres de ces coopératives de mieux entretenir leurs champs respectifs. Minani Philippe est responsable de la coopérative Sangwe située sur la colline Wisha dit qu'ils ont cultivé la pomme de terre sur un demi-hectare et espèrent une bonne récolte même si le terrain qu'ils exploitent a connu de l'érosion. Ils précisent qu'une partie de la récolte a été vendue tandis qu'une autre partie du champ n'est pas encore récoltée, mais ils soulignent que les semences de pommes de terre seront disponibles pour la saison culturelle prochaine. Pour lui, quelques défis se remarquent. Il dit que sur une tonne de semences qu'ils avaient achetées au début de la saison culturelle B, environ 200 kilos ont été abîmés suite à l'absence de hangar de stockage. Même si des aléas climatiques peuvent avoir des incidences sur la récolte, Minan Philippe dit qu'il peut y avoir une compensation sur les autres saisons. Le conseiller socioculturel du gouverneur de la province Mwaro, Clavin Gouroubé, conseille aux membres de ces coopératives qui investissent surtout dans le domaine agro-pastoral de diversifier leur domaine d'action comme celui du tourisme en exploitant de petits restaurants ou buvettes près des sites touristiques qui sont par ailleurs très nombreux dans la province Mwaro. De Mwaro, Laurent Dikoli, Radio Sanganiro. Merci Laurent. Et nous voici à destination de cette édition. Mais à vous qui nous avez rejoints à cours de route, je vous rappelle les grands titres. Inhumation ce vendredi du feu président Pierre Nkurunziza. Alors, les cérémonies qui se déroulent pour le moment à Gitega, la capitale politique du Burundi. Dans cette édition, l'on est revenu sur le parcours du feu président Pierre Nkurunziza. C'était un rappel, vous l'avez entendu. Et dans l'actualité, le 26 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le trafic et la consommation des stupéfiants. Une lutte, à laquelle les parents, l'administration et la police sont invités pour contribuer. Les habitants de la capitale économique Bujumbura exerçant des activités nécessitant le courant électrique se lamentent comme quoi des fois leurs activités sont perturbées, mais la régie des eaux tranquillise. Vous avez entendu dans cette édition le directeur général de cette entreprise, M. Siméon Rabonimman. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde et à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à la réalisation. Et Richard Nyonguru, je vous l'ai présenté. Je vous souhaite de passer un très bon week-end chez vous.